qu'est-ce que t'en penses? Comment tu es, toi? C'est toi qui vas te marier, pas moi. Je sais, mais qu'est-ce que t'en penses, toi? Rien. Ça veut dire quoi, rien? C'est une pute. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'elle fait des photos, des trucs comme ça? Mais non, mais parce que c'est une pute. Moi je me mets au bambou.